بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue à partir d'où on a laissé hier. Cheikh, il dit dans موقفان عظيمان في الصلاة, il dit ثم تفكر رعاك الله في موقف يوم القيامة تفكر في ذلك الموقف فإنك واقف واقفه أي والله. وعليكم السلام. موقف عصيب, موقف مهيل, موقف أتدري ما مقداره؟ إن مقداره 50,000 سنة. يقف الناس يوما واحدا مقداره 50,000 سنة. ماذا يقارن ذلك اليوم بأيامك في الحياة الدنيا؟ Donc le cheikh il dit, puis ensuite réfléchis. Réfléchis à ta position quand tu vas te tenir au jour de la résurrection. Réfléchis à ta position. C'est un jour difficile. Est-ce que tu sais c'est quoi la durée de ce jour? C'est un jour de 50,000 ans. Il dit, tu vas être debout. Les hommes vont être debout dans un jour. La durée de ce jour, c'est 50,000 ans. Est-ce que tu peux comparer ça avec ta vie dans cette vie d'ici-bas, combien ça correspond? Il dit le cheikh, لنفرض أنك عشت 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. ماذا تقارن تلك السنوات أو السنيات بذلك الموقف العصيب؟ ماذا تقارن تلك السنيات بيوم مقداره 50,000 سنة. Il dit, supposons que tu vas vivre 60 ans ou 70 ans ou 80 ans ou moins ou plus, qu'est-ce que ça correspond par rapport à cette position difficile dans laquelle tu vas être au jour de la résurrection, un jour qui a la valeur de 50,000 ans. Ces quelques années-là que tu as vécues sur terre, ça équivaut à rien par rapport à ça. ثم لو كان عمرك في سبيل المثال 60 سنة فقد أمضيت ثلثها في النوم لأنك تنام في اليوم والليلة تقريبا 8 ساعات والنائم مرفوع عنه القلم فمن عاش 60 سنة فقد نام في حياته 20 سنة ومنها 15 سنة تقريبا في أول حياة العبد فيها ليس مكلفا فماذا بقي لك في هذه الحياة من السنيات. Donc le cheikh il dit, supposons que par exemple tu vis 60 ans. Il dit, pendant ces 60 années, le tiers de ces années-là, tu l'as vécu dans le sommeil. Tu as dormi pendant à peu près 20 ans. C'est parce que tu dors à peu près 8 heures par jour. Donc, la personne, quand elle dort, l'ange, elle n'écrit pas ses œuvres. La plume est soulevée. Après, il dit, celui qui a vécu 60 ans, c'est comme s'il avait dormi pendant 20 ans. Donc, enlève de ses 40 ans, enlève 20 ans. Puis après, il dit, pendant à peu près 15 ans, du début de ta vie, tu es pas mukallaf. Parce que avant la puberté, Allah il nous prend pas des comptes. Ça veut dire, enlève de ces 60, puis de ces 40 qui restent, enlève 15 ans encore. Ça veut dire, il reste combien? 25? 25 ans. فماذا بقي لك في هذه الحياة من السنيات فاتق الله رعاك الله في هذه الصلاة وحافظ على هذا الموقف بين يدي الله جل وعلا عظم رعاك الله هذه الصلاة يعظم أمرك عند الله وتعلو مكانتك عنده وإياك وإضاعتها فإن إضاعتها الخسران المبين. Donc il dit, donc fais attention à cette salat, préserve cette position que tu vas avoir devant Allah, que tu as devant Allah, et aie du respect pour cette salat, et Allah va t'élever par rapport à lui, et ton statut va s'élever auprès de lui. et fais attention de ne pas la perdre et la gaspiller, ta prière, parce que ça c'est la grande perte, la grande perdition. Il dit: وقد ثبت في المستدرك للحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر، وفي تحديد ذلك بما بين الصلاتين تنبيه لمكانة الصلاة وأثرها في تحقق ذلك. Donc il dit qu'il y a un hadith dans le Mustadrak de l'imam al-Hakim, selon Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection pour les croyants, c'est comme la valeur de la durée de entre la prière de Dhuhr et de Asr. Donc c'est 50 000 ans, mais pour le croyant c'est comme la durée entre le Dhuhr et l'Asr. Donc c'est court, le croyant il le voit court, hein? Et ça c'est la durée entre deux prières. Donc tu vois encore là l'importance de la prière et son effet. Lorsque tu l'as appliqué, qu'est-ce qui arrive comme résultat? Ala falnattaqillaha fi salatina wa nattaqillaha fi hadhihi al-faridati al-'azima allati kathura istihanatu an-nas biha wa istighfafihim bi amriha wa tahawunihim fi sha'nihim fi sha'niha wa ida'atihim laha wa li shurutiha wa arkaniha wa wajibatiha fi halin asifatin وأمور مؤلمة وواقع أليم. Donc il dit, donc on doit craindre Allah dans notre salat et craindre Allah dans cette obligation et dans cette grande obligation dans laquelle beaucoup de gens ont été insouciants et ils ont négligé son importance, hein, ils ont laissé aller, ils se sont laissés aller là-dedans et ils n'ont pas respecté ses conditions, ses piliers, ses obligations. Et ça, c'est quelque chose qui est très triste et qui fait mal, en fait, et une réalité douloureuse. Il dit ensuite: وَضَيَعُ الصَّلَاةِ حِرْمَانٌ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ خُسْرَانٌ مُبِينٌ فَإِيَّاكَ أَنْ تَأْبَى لِنَفْسِكَ إِلَّا أَنْ تَعِيشَ الْهَوَانِ وَتَنَالَ الذُّلْ والخسران فإن من ضيع الصلاة حكم على نفسه بذلك ورضي لنفسه حياة الهوان. Donc si tu négliges ta prière, eh bien tu es privé de tous les biens dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et ça c'est une grande perte évidente. Et prends garde de faire en sorte que tu vives, que tu sois dans cette vie une vie d'humiliation, une vie de sans valeur, hein, dans laquelle tu vas être humilié et tu vas être dans la perdition. Donc celui qui délaisse ou qui néglige sa salat, eh bien c'est comme s'il a été satisfait de vivre une vie dans l'humiliation. Il dit: na'am, ayu khayrin yurtaja wa ayu fadilatin tu'ammal إذا ضيعت هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين رب وبين الله. Donc il dit: oui, quel bien on peut espérer, quel bien on peut espérer, il dit, c'est-à-dire quel mérite on peut avoir comme espoir si on a délaissé cette salat, alors que c'est le lien qu'on a entre nous et Allah, entre le serviteur et Allah. إذ قال أحدهم لائما ومعاتبا أحد الخطباء: إنك منذ سنوات عديدة تخطب فينا، فماذا قدمت؟ فقال له: وأنتم طوال هذه المدة تستمعون، فماذا فعلتم؟ إذا سمع المسلم الموعظة أو سمع الخطبة فليوضعها في قلبه وليتجه إلى ربه ومولاه أن يوفقه للعمل وأن يسدده ولا يكله إلى نفسه طرفة عين، وإلا فكم سمع الناس من المواعظ والزواجر ومنهم من لا يزال مع ذلك غافلا وعند الله جل وعلا ملتقى الخلائق والعباد وهناك مجازات والمحاسبة. فليغتنم العبد وجوده في هذه الحياة لإصلاح نفسه وتزكية حاله وإطابة عمله والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. اللهم نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا منا ومنك وتكرما أن تجعلنا أجمعين من المقيمين الصلاة ومن ذريتنا يا رب العالمين. Donc le cheikh il termine en disant, il y a quelqu'un qui a dit en blâmant et en voulant réprimander un d'entre les personnes qui fait la prêche du vendredi, le discours. Il dit, pendant toutes ces années-là, tu fais des discours. Qu'est-ce que tu nous as présenté? Qu'est-ce que tu nous as comme ramené ou donné de bien? Il a dit, et vous, pendant toutes ces années, vous entendez et vous écoutez, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, si le musulman entend l'exhortation ou il entend un sermon, eh bien qu'il la mette dans son cœur et qu'il se dirige vers son Seigneur et qu'il lui demande de lui donner le succès à l'action et à la pratique et qu'il lui donne la droiture et qu'il ne le laisse pas à lui-même. Combien de gens ont entendu des exhortations et des rappels, mais tu vois que malgré tout ils restent dans l'insouciance et c'est à Allah que les créatures vont retourner pour le rencontrer. Et c'est là qu'on sera rétribué et jugé. Donc le serviteur, il doit profiter de cette présence qu'il a dans cette vie d'ici-bas pour se réformer lui-même, pour purifier son état et devenir meilleur. Et le succès de ça, c'est entre les mains d'Allah, lui seul, et il n'a pas d'associé. Oh Allah, on te demande parce que tu es Allah, celui que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, par tes noms et par tes attributs élevés. On te demande de nous faire la générosité, de faire qu'on soit parmi ceux qui établissent la salat, ainsi que nos enfants, ô notre Seigneur, le Seigneur des mondes, Ya Rabb al-Alamin. Donc, on va terminer avec ça. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.